juste très lentement parce que l'esprit, c'est pas expérimental là, comme l'âme, c'est pas de l'information qui se greffe par de l'expérience dans de la mémoire. Et puis, une fois qu'on le comprend, ça, on se rend compte là, que la région. Bonjour. Vous avez peut-être déjà entendu parler là, certaines expériences. Des singes sur une île apprennent quelque chose et les singes de la même espèce d'une autre île vont le savoir en même temps. Ils vont se mettre à répéter le comportement. Ce sont des choses qui ont été constatées là, par les gens qui utilisent le comportement animal. Pourquoi? Parce que les animaux, le terme animaux vient de âme, l'anima, ce qui anime, bon. Et ils ont une âme qui est collective, là. Donc, quand un a une information, ça peut se transmettre dans le subtil par l'âme, l'animique. L'animique, c'est de la gestion à travers de la mémoire. L'âme, c'est juste de la mémoire. C'est comme un disque dur où ça grave l'expérimental. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a un avion qui passe aujourd'hui. Et si vous prenez là, par exemple, au niveau du contact, il y a de l'information qu'il va avoir une perte de mémoire immédiatement après. Pourquoi? Parce que ça vient d'en dehors de l'âme, ça vient en dehors de l'animique. Donc, ça s'enregistre très lentement parce que l'esprit, c'est pas expérimental là, comme l'âme, c'est pas de l'information qui se greffe par de l'expérience dans de la mémoire. Et puis, une fois qu'on le comprend, ça, on se rend compte là, que la régence animique, c'est quelque chose qui est de la gestion à travers de la mémoire et c'est ça qui fait un paravent avec l'esprit. Mais une fois qu'on comprend les processus de comment fonctionne l'âme, de comment fonctionne la mémoire, le contact est plus facile là, avec l'esprit. L'esprit, c'est de l'information, c'est de l'intelligence. Et puis, c'est pas nécessaire là, que l'information soit enregistrée immédiatement dans l'âme. Ça, c'est l'être humain expérimental là, qui a ce besoin-là. En même temps, il se grave de la pollution et puis ça aboutit à des processus comme on connaît. Avec le temps, l'être humain sortira de l'expérimental, c'est-à-dire qu'il aura accès à l'information au moment où il en a besoin par rapport au fait qu'il va y avoir une synchronicité dû au fait que l'expérientiel va avoir une fréquence et par le contact avec l'esprit, il va avoir l'information qui correspond là, à son expérience. C'est ça, l'esprit, l'aboutissement de ce qu'on pourrait appeler l'esprit, là. Mais pour ça, il va falloir En ce moment, là, l'ego est soumis, il est assujetti à la personnalité, donc la personne n'apparaît pas nécessairement. Mais il va falloir que l'ego domine la personnalité pour qu'apparaisse la personne. À ce moment-là, les forces de l'âme assujettiront, vont moins assujettir l'ego expérimental et le contact avec l'esprit va être plus facile. Là. On ne peut pas être tout le temps sur le contact avec l'esprit parce que ça serait insupportable pour les autres qui n'ont pas ce contact-là, ça devient vite insupportable. Mais il va falloir en venir à ça quand même, pour des raisons de survie, là. Les grands génies de Google nous prédisent la fin de l'humanité pour 2045. J'ai vu ça aujourd'hui. Je pense que Google va disparaître avant ça. C'est là qu'on voit là, l'aspect animique réflectif, l'aspect, ce qu'on appelle l'intellect au niveau du collectif. C'est que dans un groupe où il y a beaucoup de gens, même s'ils sont très instruits, il va y avoir une intersubjectivité et c'est comme ça que ça aboutit à des conneries. extrêmement subjective, ça devient une subjectivité de groupe, et ça ne donne pas, additionner là, de la subjectivité, ça ne donne pas de l'objectivité. Donc, moi, Google, là, en plus, l'article disait, pour une fois que les prédictions de fin de l'humanité ne viennent pas des groupes complotistes, mais entre vous et moi, là, ça revient au même, c'est tout aussi subjectif. Au grand savant de Google qu'un groupe de complotistes qui se polluent entre eux. C'est ça de l'intersubjectivité. Donc, il va falloir, comme je le disais, qu'il y ait à un moment donné, qu'il y ait une addition d'individualité. Qu'il n'y a plus de collectif là, autrement qu'une addition d'individualité par rapport à un contact avec l'esprit, parce que l'esprit est encore plus collectif que l'âme, une fois que le contact est fait. C'est pour ça que ceux qui parlent de ces choses-là, si on va au-delà de la forme, on nous parlons tous de la même chose,